Começa agora na Antena Web mais uma edição de Playlist. A seguir, não perca mais uma edição muito especial de R.E.M. Tocam agora as melhores músicas em Playlist. Que chaye l'esprit nous assez nuage. chez moi pour saluer. Elle regarde les désirs tomber à dans ta main. Nous rêver, regardez qu'on nous a mis dans les yeux. Nous pas te savent ça pour dire ni ça pour faire. Venez tout près, il va aller. Moi, je ne peux pas les parler de l'amour pour nous pas regretter. Maman toujours prend un goût, tu les aides. c'est bon moment pour chercher consolation. Mener à réconciliation. En bon fraîcheur passant les mains, moi t'es là qu'à penser tout bon moment. Et puis misère, passer ensemble. Pas que ça soit dégagé, pas que ça soit dégagé, réconcilier. chanden kaderese depo sale kika touche kabuye pare pou Le ciel Sous-titrage Société Radio-Canada. Manita. Thank you. déjà tellement vivant, tellement présent. Malgré ça, j'ai envie de t'abonner.

parti depuis longtemps. Ou vleux, les approuvés moins. Émotion la de si intense. Ou extérioriser l'esprit en moi. Ou c'est vivre la vie en moi. Et si tu faut me lâcher si bleu, moi paix ça ferait conquérir. En cas juré, ou qu'il y a manqué fait, des éphémères. Et si des moments vous pas comprendre moi, c'est toujours pas faute en moi. C'est que à moi qui t'a parlé d'amour. Pour l'autre cas, pardonnez, dès qu'il me t'a esquisé, parler de ma chérie, je l'ai ou laissé.